Unité 58. Conversation. Écoutez. 1. Un des points les plus importants du programme de cette année est l'hygiène alimentaire. 2. Tout d'abord, il faut connaître les besoins de l'organisme et les moyens de les satisfaire. 3. Les besoins de l'organisme se présentent sous deux aspects. 4. Nous verrons quels sont nos besoins quantitatifs et nos besoins qualitatifs. Répondez, répétez. 5. Quel est le point le plus important du programme de cette année? Un des points les plus importants du programme de cette année est l'hygiène alimentaire. Sept. Que faut-il connaître? Huit. Tout d'abord, il faut connaître les besoins de l'organisme et les moyens de les satisfaire. 9. Comment se présentent les besoins de l'organisme? 10. Les besoins de l'organisme se présentent sous deux aspects. 11. Lesquels? 12. Nous verrons quels sont nos besoins quantitatifs et nos besoins qualitatifs. 13. Essayons maintenant de voir quels sont nos besoins quantitatifs. 14. Avant tout, il ne faut pas oublier que le corps humain se maintient à une température d'environ 37 degrés. 15. Comme nous vivons généralement dans un milieu plus froid, nous perdons constamment de la chaleur. 16. Notre température reste la même parce que nous compensons cette perte par une production de chaleur. 17. Ce sont nos muscles qui produisent de la chaleur. 18. Et certains de nos organes, comme le cœur, les poumons, travaillent sans arrêt. Répondez, répétez. 19. Qu'allons-nous voir maintenant? Vingt. Essayons de voir maintenant quels sont nos besoins quantitatifs. Vingt et un. De quelles considérations faut-il partir? 22. Avant tout, il ne faut pas oublier que le corps humain se maintient à une température d'environ 37 degrés. 23. Pourquoi perdons-nous constamment de la chaleur? 24. Comme nous vivons généralement dans un milieu plus froid, nous perdons constamment de la chaleur. 25. Comment notre température se maintient-elle? 26. Notre température reste la même parce que nous compensons cette perte par une production de chaleur. 27. D'où vient cette chaleur? 28. Ce sont nos muscles qui produisent de la chaleur. 29. Mais nos muscles ne travaillent pas tout le temps. 30. Certains de nos organes, comme le cœur, les poumons, travaillent sans arrêt. 31. Les biologistes expriment les besoins de l'organisme en calories. 32. La calorie est la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré la température d'un gramme d'eau. 33. Un adulte, se livrant à un travail musculaire léger, dépense environ 2400 calories par jour. 34. Des expériences ont montré que 1 g de glucides apporte à l'organisme 4 calories. 35. 1 g de protides, 4 calories. 1 g de lipides, 9 calories. 36. L'organisme a besoin de ces trois types d'aliments. 37. Il ne peut vivre avec une seule de ces substances. 38. Il y a donc un problème qualitatif qui se pose. Répondez, répétez. 39. Comment les biologistes expriment-ils les besoins de l'organisme? 40. Les biologistes expriment les besoins de l'organisme en calories. 41. Comment peut-on définir une calorie? 42. La calorie est la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré la température d'un gramme d'eau. 43. Combien de calories dépense par jour un adulte? 44. Un adulte se livrant à un travail musculaire léger dépense environ 2400 calories par jour. 45. Combien de calories apporte à l'organisme 1 g de glucides? 46. Des expériences ont montré que 1 g de glucides apporte à l'organisme 4 calories. 47. Combien de calories apporte à l'organisme 1 g de protides et 1 g de lipides? 48. 1 g de protides, 4 calories. 1 g de lipides, 9 calories. 49. Ces trois types d'aliments sont nécessaires à l'organisme? 50. Oui, l'organisme a besoin de ces trois types d'aliments. 51. Peut-il vivre avec une seule de ces substances? 52. Non, il ne peut vivre avec une seule de ces substances. 53. Quel problème se pose alors? 54. Il y a donc un problème qualitatif qui se pose. Écoutez. 55. Selon l'âge de l'individu, les besoins sont différents. 56. Un adulte doit remplacer ses cellules usées. 57. Un enfant doit fabriquer de nouveaux tissus. 58. Ce sont les aliments qui permettent de faire face à ces besoins. 59. En résumé, l'organisme a besoin... 60. Premièrement, d'aliments dits énergétiques, c'est-à-dire qui produisent de l'énergie. 61. Deuxièmement, d'aliments dits plastiques, c'est-à-dire qui servent à la construction et à la réparation des tissus. 62. Troisièmement, de vitamines, c'est-à-dire de substances indispensables à l'organisme. 63. Et enfin, d'autant d'eau qu'il en perd par la sueur et l'urine. 64. Donc, une alimentation variée et équilibrée est indispensable. Répondez, répétez. 65. En fonction de quoi varient les besoins? 66. Selon l'âge de l'individu, les besoins sont différents. 67. Quels sont les besoins d'un adulte? 68. Un adulte doit remplacer ses cellules usées. 69. Au contraire, de quoi a besoin un enfant? 70. Un enfant doit fabriquer de nouveaux tissus. 71. Qu'est-ce qui permet de faire face à ses besoins? 72. Ce sont les aliments qui permettent de faire face à ses besoins. 73. De quoi a besoin premièrement l'organisme? 74. Premièrement, l'organisme a besoin d'aliments dits énergétiques, c'est-à-dire qui produisent de l'énergie. 75. Et deuxièmement? 76. Deuxièmement, d'aliments dits plastiques, c'est-à-dire qui servent à la construction et à la réparation des tissus. 77. Troisièmement, 78. Troisièmement, de vitamines, c'est-à-dire de substances indispensables à l'organisme. 79. Et enfin? 80. Et enfin, d'autant d'eau qu'il en perd par la sueur et l'urine. 81. À quelle conclusion arrivons-nous? 82. Donc, une alimentation variée et équilibrée est indispensable. Écoutez. 83. Une bonne alimentation est celle qui fournit toutes les substances que nous avons énumérées. 84. Les glucides sont un composant de la matière vivante, formé d'hydrogène, de carbone et d'oxygène. 85. Ils se trouvent dans le pain, le riz, les légumes secs, les pommes de terre, les confitures. 86. Les lipides sont des corps gras insolubles dans l'eau. 87. Ils nous sont fournis par les corps gras d'origine animale ou végétale. 88. Les protides sont des substances organiques azotées. 89. La viande, le poisson, les œufs, le lait, les céréales sont riches en protides. 90. Les vitamines se trouvent principalement dans les corps gras, les légumes et les fruits crus. 91. L'eau est fournie surtout par les boissons, mais tous les aliments en contiennent un peu. Répondez, répétez. 92. Qu'est-ce qu'une bonne alimentation? 93. Une bonne alimentation est celle qui fournit toutes les substances que nous avons énumérées. 94. Que sont les glucides? 95. Les glucides sont un composant de la matière vivante formé d'hydrogène, de carbone et d'oxygène. 96. Où se trouvent les glucides? 97. Ils se trouvent dans le pain, le riz, les légumes secs, les pommes de terre, les confitures. 98. Que sont les lipides? 99. Les lipides sont des corps gras insolubles dans l'eau. 100. Par quoi nous sont-ils fournis? Ils nous sont fournis par les corps gras d'origine animale ou végétale. 102. Que sont les protides? 103. Les protides sont des substances organiques azotées. 104. Quels sont les aliments riches en protides? 105. La viande, le poisson, les œufs, le lait, les céréales sont riches en protides. 106. Où se trouvent principalement les vitamines? 107. Les vitamines se trouvent principalement dans les corps gras, les légumes et les fruits crus. 108. Ce sont les boissons qui fournissent l'eau? 109. L'eau est fournie surtout par les boissons, mais tous les aliments en contiennent un peu.